Yeah. Ok. A aucun prix, à aucun moment, à bout de bras, à bout de souffle, à bout de nerfs, à bout pourtant, à bout de colère. À chacun sa vérité, à chacun son dû, à chaque jour suffit sa peine, à chaque pas défendu. À la face du monde, à la faveur de la folie, à la fois à la taille de mon ardeur, de la valeur de la vie. Revendicateur du bien fondateur, du bien de l'esprit. À la mort, à la vie, à la va vite, à la lettre. À la légère, à la limite de me taire, non, non, gars, trop d'illicite. À ma guise, non pas à ma souvenance, jamais à ma armée. Toujours à point nu, main levée, air nocturne relevé. Moi je suis pour prêcher la paix et l'amitié. Ceux que vous appelez minorités sont ceux qui osent vous dire la vérité. Trop de pauvres morts tout au long de l'année. Dire qu'on attend Noël et Nouvel An pour pouvoir s'amuser. C'est pour toi, un rap comme tu voulais tant. T'entends, relève les yeux et tends ton oreille. Et là tu sens la différence de ce que je peux faire. Avec un texte et un thème, on va prendre celui de pourquoi j'écris. Pour te transmettre avec style un mal de vivre, un hasard comme face ou pile. Je pourrais comme tout le monde crier nique la police, mais je préfère te dire que quelquefois ils abusent de la justice. Je pourrais te dire t'es mignonne jeune fille, mais je préfère te dire où sont passés tes ailes, t'es en chèque, t'es magnifique. Je pourrais te dire j'en ai marre de la vie, mais je préfère te dire comme douleur. Moi au moins je dors dans un lit. Je pourrais te dire et si, mais à la plage je préfère crier Dieu merci. Je pourrais prendre mes affaires et changer de vie, mais je préfère grandir avec la famille, ce qu'on appelle Wally. Je pourrais te dire que je suis un grand rappeur, que je suis the best, the one of the number, mais je préfère te laisser jouer ce poète qui fait naître des mots, des pensées, des lettres. Je pourrais te dire comme le Coran que si on te frappe dans l'audio, mais je préfère me taire car vaut mieux ça qu'avoir un gun sur la tempe et être à genoux. Je pourrais lever la voix sur ma mère et je l'ai fait avec le regret, laissons le passer. Mais je préfère fermer les yeux et oublier tous ces moments de galère, car il n'y avait que des âmes qui pleuraient. Je pourrais brailler et te conter que je suis musulman, mais je préfère laisser à Dieu son jugement. Je pourrais pleurer et tomber dans le désespoir pour ceux qui sont morts alors qu'on les oublie au bout de quelques mois. Ne me dis pas que j'ai tort, mais je préfère attendre la tombée de la nuit pour pleurer. La Rahmoum, évitez mon esprit. Bilingue dans mes textes qui me conteste, une plume, une rose sans pleurer, je saigne et signe de ma voix. L'amour m'attend deux fois, refoulé, refilé la haine et la souffrance. J'ai relaté tant de larmes nocturnes et j'en ai eu, tant de songes sans mesure à courte vue, tant de questions sans réponse, tant de personnes à qui je repense en insouciance à mon égard, tant de délivrance dans mon regard, tant de légèreté dans ma plume, tant de gamins perdus dans la brume, tant d'aveugles, de veuves et d'orphelins, tant de gens qui se disent que tout va bien, tant de passions dans mes lignes, tant de vices, l'orage et la foudre en son essai. Muslim, muslim, voilà ce que je suis, un musulman philosophe avec un manuscrit et son esprit héritier, mon héritage et la souffrance des gens, des athées aux rêveurs jusqu'aux mécréants. J'ai de la peine alors que je voulais la paix, j'ai tant de haine que je pourrais en revendre à perpétuité. Ce texte et ces mots ne suffiront pas, des violeurs, des assassins, des morts, y en a et y en aura encore et toujours. Le monde crie à mort, amour, on en a presque terminé. Même si ce que j'ai dit ne va rien changer, j'implore le ciel qu'il soit avec toi pour luminer. Aussi heureux, gars, qu'un acteur nominé, heureux de maître délivré, déchiré, décimé par le noir de ce monde, décidé à déclencher un déclic, décliné non pas à ta religion, mais la couleur, gars, qui t'est imposée par un nom. Et c'est pour ça qu'on n'est pas pareil et que je vis seulement parmi vous. Et c'est pour ça. Il est pas pareil, il vit seulement parmi vous. Sa fille